Une larme dans tes yeux nous a fait tellement souffrir. Un regard dans l'océan t'a rendu comme un enfant. Cet amour qui nous déchire, cette passion qui nous attire, comme une vague dans l'océan. Cette passion qui nous attire comme une vague dans l'océan.